ce qu'on fera et ce qui sera fait. C'est l'as de la technique. Bonsoir. Vous êtes sur Radio Dio, dans l'émission Radio Gaga. Qu'est-ce que je t'entends bien. T'as vu. Je t'entends trop fort. C'est vrai. Ouais. Ouais, mais on a changé de technicos, là. Bien, c'est pour ça. Il va nous baisser tout ça, mais il nous écoute pas, en fait. Non. Il est à fond, là. Et alors, aujourd'hui, 6 juin, nous accueillons les Blue Tomorrow. Yes, salut. Graou. Salut. Salut. Donc, on connaît bien, puisque c'est la deuxième fois que vous venez. Ouais. Vous en avez de la chance, ou alors c'est nous qui avons de la chance, ou les un deux. Un peu les deux. Enfin, les deux, hein. On va dire ça. Eh ben, écoute, merci, ça commence bien. T'es toujours bien accueilli. Écoute, Cyril, il n'y a pas de souci. Écoute, je t'avais dit que je ne le ferais pas, mais c'est je l'ai fait. Non, il commence, hein. Il commence. Mais tu sais qu'on est taquin. Oui, ouais. Surtout toi. Et qui aime bien, châtie bien. Oh. Ok. Bon, mais pas l'autre bras, s'il te plaît. À la fin. Bon. Donc, Blue Tomorrow, qu'on connaît un peu, et pourquoi on les reçoit une deuxième fois? Je sais pas. Il paraît qu'il y a eu un petit événement auquel j'ai assisté, un d'ailleurs. Nouveau. Une naissance. Oui, la sortie du premier disque, EP, ça y est. Endless Road. C'était dur l'accouchement? Ça a été très dur, surtout pour Mathieu, ouais. C'est long. Pour ça qu'il n'est pas là, d'ailleurs. C'était très long, surtout. On était des centaines à crier, quand même. Ah. Ouais, c'était une grosse ambiance, soirée, c'était vraiment cool. PAX. Ouais. Merci encore d'être venu, d'ailleurs. C'est cool. Normal. C'est vraiment cool. On a dit qu'on viendrait, on est venu. C'est vrai. Enfin, je dis on, mais j'étais seul. Oui. Mais on se partage le travail avec les collègues. Non, mais écoute, c'est pas non, grave. Non, moi je serais venu, mais j'avais des obligations familiales. C'est vrai, tout à fait. Oh, c'est beau, ça. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on a retrouvé notre technicien, Harry? Toujours pas? Si, je suis là. Ah, parce qu'on s'inquiétait, parce qu'on te parlait depuis tout à l'heure et tu nous répondais pas. Ah, mais j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, de toute façon. Je fais la technique, je parle peu. Alors, il y en a un qui a pas de bras et l'autre qui a pas de voix. Donc, bah, je compte sur vous. Ah oui, mais pas de soucis. Ça va être pratique. Pas de soucis. Donc, comme on connaît déjà les Blue Tomorrow, on va aller direct dans. On va pas parler d'eux. Voilà, pas du tout. Mais on va aller dans le vif du sujet. On va commencer par écouter cet album avec une Better of Dead. Yes, le premier titre du disque, ouais. Ouais. Alors, un petit mot sur cet album. C'est un EP. Un EP, pardon. Oui. Merci. Voilà, écoute. Les mots sont importants. Nous cherche. Hein. Non, mais les mots sont importants. C'est vrai, tout à fait. Donc, un EP, ouais. Donc l'EP, ouais. Donc, il est sorti le 27 avril dernier. Donc, une super belle expérience. Il était en germe depuis 1 ou 2 ans. Donc, ça fait 1 ou 2 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que dès qu'on a commencé à travailler ensemble, on savait où on voulait aller. Et donc, on a commencé à s'y mettre tout de suite. On a écrit les premières chansons. D'ailleurs, bah, Better of Dead, c'est ce qu'on vous avait expliqué. Better of Dead, c'est le premier titre, en fait, qu'on a écrit ensemble. Donc Arthur a amené une partie de l'instrumental et puis ensuite on a écrit le reste. Moi j'ai écrit les paroles après, Jérém a écrit sa partie de basse, etc. On s'est fait en fait sur ce morceau, on a appris à se construire avec ce morceau et c'est pour ça aussi qu'il figure sur le disque en premier titre. C'est aussi pour cette symbolique là. D'accord. Et c'est un album voilà, donc on a écrit sur 2 ans et qui est enfin né en avril dernier. Alors pourquoi ce titre ? Endless Roads ? Oui. Alors, Arthur, je sais pas si tu veux... Parce qu'on a beaucoup galéré, c'était une longue route pour en arriver jusque-là. En fait, le truc, c'est que quand on a enregistré l'album, enfin l'EP, excuse-moi Cécile, pas de problème. Quand on a enregistré l'EP, en fait, on n'avait pas de titre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment d'idée de titre, on avait trouvé Long Way Home, ça devait être le premier titre. De mémoire, c'était ça, ouais. C'était un titre de travail, en fait. Et un jour, on s'est retrouvé sur les quêtes zones avec Arthur, et c'est vrai qu'on était, on n'en pouvait plus. Et on s'est dit, putain, il faut un titre qui marque vraiment la galère que ça a été. Ouais, et là, on n'en pouvait plus, on a fait, bah tiens. Et des routes sans fin, en fait, ça sonnait bien pour ce que nous, on avait vécu sur ce moment-là, et c'est vrai que voilà. Alors pourquoi galère ? Problème de trouver de l'argent ? Se garer dans Lyon, c'est difficile. Se garer dans Lyon, quelle la première idée de à Lyon aussi, quand on est à Saint-Etienne. Faut pas y aller. Ça a été très dur. Non, mais ça a été une succession de choses. En fait, c'est vrai que c'est une somme de complications. Donc déjà, c'est se voir. C'est réussir à trouver le temps de pouvoir répéter tous les cadres, de pouvoir créer, d'amener les choses là aussi où on veut qu'elles aillent, ça c'est compliqué. Parce que des fois on s'est pris la tête sur des morceaux, à se dire mais ça ressemble pas à ce qu'on veut, mais on y est presque, on est à ça. Et puis il y a eu beaucoup d'autres choses, trouver des dates, réussir aussi à se faire accepter, réussir à pouvoir jouer, ça a été beaucoup de choses comme ça en fait. Ça a été 2 longues années, 2 belles années par contre, belles années, parce qu'on a appris beaucoup de choses et on continue d'apprendre heureusement. Et ce titre-là justement reflète bien tout ce qui a été vécu. Pour l'expérience, justement, Endless Road, justement. Eh bien, on va l'écouter, alors. Allons-y. Avec plaisir. Allez. Mmh. consequences real, and you're the victim of your own tragedy. I can't find a cure, this time I know the pressure won't go away. I'm living dead awake, when all the clocks strike midnight. Nous sommes toujours avec les Blue Tomorrow. Et nous, on a eu la chance d'avoir... Oui, mais avant ta question, je voulais juste te dire qu'on avait non seulement la version EP, mais en plus, on avait la version acoustique dans le studio, nous. Ouais, parce qu'ils savent jouer leurs chansons. Ouais. C'est ça qui est beau. Ah, quand même, un peu. Quand même, hein. C'est quand on est fort, on est fort. Hein. Et c'était bien. Ouais. Alors, question de... Il y a Parental Advisory sur votre... Votre pays, il y a des paroles qui sont, il dit fuck à un moment donné, qui sont un petit peu subversives pour les enfants. Ouais, il y a des paroles. C'est obligatoire en France ou c'est pour faire américain? Alors justement, alors non, c'est pas pour faire américain pour le coup. Non, c'est juste qu'en fait, on a eu au moment où on a sorti le disque, on a eu le doute parce que c'est vrai que c'est assez précis et on a quand même tenu à mettre ça et à le signaler au cas où. Mais genre, vous dites quoi? Mais genre, on n'a pas les lyrics, nous. On sait pas nous-mêmes. On est des stars mondialement inconnues, c'est pas pareil. C'est peut-être des phrases. Hyperbolique. Enfin, ouais, c'est juste, il y a, je sais pas si on peut le dire, mais quand même pas mal de fuck, quoi, voilà. Oh, pff, c'est rien. Ah, non, on est des lascars, donc c'est lascar à fond, quoi, donc... Lascar californien. Genre. Oui, voilà, c'est ça. Avec des guitares, écoute, ça existe. Bah oui. Et des barbes. Donc. Et des cheveux. Pour certains. Ouais, non, par contre, là, elle avait dit qu'elle attaquerait Jérém. On avait dit pas les sujets qui fâchent. Jérém, calme-toi, assis-toi. On avait dit pas le physique. Oui. Alors, ils ont déjà cassé le bras d'un animateur, pas de l'animatrice. Hein, ah non, mais celui qui va me casser le bras. Ah non, c'est vrai. elle nous le casse tous ici, c'est vrai. Écoute, là, hein, bon. Bras de fer. Ouais, mauvais souvenir, écoute. Mm. Donc, comme disait. Moi, c'est machin. Machine. Cécile. Cyril et machin. Parce qu'on a dit qu'on connaissait Blue Tomorrow, mais ils ne sont pas au complet ce soir. Donc, soir, nous avons. Il nous manque Mathieu, ouais. Il nous manque le batteur. C'est quoi son problème? Parce que la dernière fois, Jérémy avait un gros souci de santé. Et on s'était pas moqué de lui. Hein. C'est ça. Alors... ça explique les cheveux. Tout est lié. Tout est lié. Non, Mathieu, c'est simplement une obligation. Tu l'as pas entendu, c'est pour ça. Tu sais ce qu'ils ont dit sur toi ? Si, j'écoutais quand j'étais en route. Bah, calme-toi, Jérém, tu peux te venger. Ah bon, parce que, en fait, ce que vous avez peut-être pas vu, c'est quand nous on commentait ici, lui il m'écrivait par SMS. Arrêtez ouais. Tu penses que Mathieu nous écoute ce soir ? Non, Mathieu, je pense pas qu'il nous écoute. Il nous écoutera en podcast. En replay. Voilà. Non, il a une obligation de travail du coup ce soir, c'est ce qui fait qu'il pouvait pas être là. Les contrats. Eh ben, on pense à lui quand même. On pense à lui, on lui fait une grosse bise. Oh, Mathieu. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé par rapport à l'origine du titre. Donc, ok, c'était difficile. Et c'est pour ça que ça a été un choix sur un EP et pas un album, parce qu'en concert, vous avez plusieurs chansons. Alors, en fait, on estime qu'on avait une dizaine de chansons en fait, qui pouvaient être enregistrées au moment où on a enregistré le projet. Et en fait, le problème, c'est que c'est un coût financier. Et c'est ce qui fait que nous, on n'a pas pu aller au-delà de 5 chansons. C'était en fait pas une question de chansons, c'était une question de temps surtout. D'accord. Et donc ça nous a pris une semaine, et c'est vrai que là, une semaine de studio, c'est ce qu'on pouvait vraiment se payer. Donc on en est resté à 5 chansons, à vouloir faire 5 chansons correctement, ou le plus correctement possible du moins. Mais la prod est bonne, de l'album. Ouais. La qualité avant la quantité. Ouais. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, puis du coup, pour la saison prochaine, on aura un nouveau 5 titres. On espère, et même un peu plus. Oula, plus je pense. 6. Ce serait cool. Ah, plus, 7. 7, waouh. Les albums, il y a de moins en moins d'albums qui sortent, c'est plutôt des... EP 5, 7 titres, ouais. même les gros. Moi, ils ont promis un vinyle. Parce que, moi, un vinyle, oui, c'est vrai, tout à fait. Ah, oui, par contre, il va falloir mettre du matos dedans, des photos, des machins. C'est beau, mais c'est bien que les textes aussi. Pour qu'elle puisse traduire. Puis, une photo dossier sur le groupe, ça, je peux peut-être en trouver. Non, c'est une mauvaise idée. C'est marrant parce que vous regardez toujours le même mec. C'est vrai. C'est hallucinant. Tu vois, quand tu sens que c'est une connerie qui vient, tu vois, tu le sens que c'est. Mais si Sir Tarknar en personne, qu'est-ce que je dis ? Faut pas qu'il parle, lui, parce que quand il parle, c'est une connerie, tu vois. D'accord. Ouais, pauvre Arthur. Faut toujours se méfier d'Arthur, toujours. Mais du coup, j'ai un peu le fait. Revenons sérieusement, on parle de photos. Je crois que vous avez une histoire avec un photographe quand même. Alors attention, parce que c'est bizarre dit comme ça. Effectivement. C'est des rumeurs. Diffamation. C'est des rumeurs. On a vu les résultats sur les réseaux sociaux. Alors oui, photographe. Des belles photos du concert. Bah, pour le citer, donc il s'appelle Sylvain Rollion. La pochette. Et Sylvain Rollion, Sylvain Rollion, du coup, c'est un amour de mec. Et on lui fait un gros bisou. Donc qui est venu au PAX et qui a fait des super photos. Elles sont terribles. C'était vraiment. Il maîtrise Photoshop, le gars, quand même. Pas Photoshop. Il n'utilise jamais Photoshop. Enfin, il utilise un autre truc qui permet de faire des. Il travaille énormément les photos, par contre. Mais enfin, il travaille énormément sur ses photos. Mais non, Photoshop, non, pour le coup, il ne l'utilise pas. Et c'est vraiment c'est un vrai travail de photographe et c'est une vraie belle personne aussi. Donc, ça a été un plaisir de pouvoir travailler avec lui. Et en effet, oui, c'est lui qui a réalisé du coup la pochette de l'EP, qu'on a fait d'ailleurs au Guizet. Donc, c'est au Guizet là qu'on est. D'accord, bah ça c'est bien. Et juste pour l'anecdote, c'était un soir où on se faisait agresser par les hannetons et les fourmis volantes. Agresser, c'est un euphémisme. C'était affreux. Donc là, si tu veux, notre Sylvain, il nous dit. Il y en a un qui était en short. Il a retouché toutes les bébêtes. Ah, même pas, non, il les a enlevés, il les a enlevés parce qu'Arthur, il est comme ça à un moment, il essaye de. et en fait, on était sur place et il nous disait bougez pas, moi je mitraille derrière, mais vous bougez pas surtout. Et toi, t'avais un ton dans l'oreille, on le voyait tourner, et il va rentrer. C'était un titan, le truc. Ouais, c'était pas grave. C'était une belle expérience, voilà. Donc un grand merci à Sylvain, du coup. Bon. Ok, merci. Eh bien, moi, je voulais proposer un petit cours de musique à Harry. On aime bien ce charrier, il en a besoin, parce qu'on avait un petit débat sur Cage the Elephant, et il voulait me faire écouter le dernier album, que je trouve pas terrible. Et du coup, je lui ai proposé d'écouter une chanson du premier album éponyme de Cage. Je connais toute la discographie de Cage the Elephant. C'est étonnant que tu aimes bien le dernier. J'aime bien tout. Après, il n'y a pas tout de bien, mais j'aime bien. Je préfère les débuts. Bah, c'est ton droit. Merci. Et nous allons partir sur Cage and the Elephant. In One Ear. Vous êtes toujours dans l'émission Radio Gaga et nous sommes avec les Blue Tomorrow. Encore. Toujours. Oui, toujours, ils ne sont pas ils partis. Sont pas, ah, ils ne veulent pas partir. Ouais. On n'arrive pas à s'en débarrasser. On essaye, mais... Ils ont la couchette. Ouais. Donc, ils sont là pour la deuxième fois pour nous parler de leur EP Endless Road et puis aussi de leur actualité. Hein. On parlait des concerts. Ah ouais, prochain. C'est très dense et ça va même jusqu'à 2020. Là. Donc, on a des premières dates qui sont tombées pour 2020. Donc là, ouais, donc le mois de juin, on joue 4 fois. On a 4 dates. Donc le 20 juin à Andrézieux, au triple. Le 22 à la fête de la musique à Saint-Etienne. Alors au triple avec les Yellow Shadow? Non, seul. On passe pour la fête de la musique du triple, du coup, donc on sera seul. Donc le 22 à l'Hôtel de Ville à 22h15. Le 25, on sera au Rock'n'Eat. On aura la chance, du coup, de partager la scène donc, avec les 21 grammes qui sont de Saint-Etienne. Ouais. Yeah. Et les Trigones qui sont de Lyon. du coup. Et le 29, on sera au fil pour les infiltrer. On participe à un programme d'accompagnement. Ah oui. Et c'est là qu'il y a Cosmic Club et Gibraltar. C'est d'accord. Ça. D'accord. Super. Yes. Et après, donc ouais, ça va jusqu'à juillet. Il y a une date en juillet, en novembre aussi, en décembre et puis en 2020. Voilà. Alors, du coup, sur tous les concerts, on peut trouver nos CD, voilà. Les musiciens qui vont avec. Et sinon, si on vient pas en concert, il est vraiment VRP jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vends mon, t'as vu, je sais me vendre. Je vends mon, ouais. Je sais me vendre, t'as vu. C'est bien. Et tes collègues acquiescent, hein, ils disent ouais, il fait tout, il fait la logistique. Oh oui. Ah non, mais il est super fort pour ça. Parce que je disais, tu avais une réactivité sur les réseaux sociaux incroyable. Ouais, bah en fait, aussi, tu embauches des enfants, tu m'as dit, c'est ça. Hein. Alors, chut. Des ados. Quand il y a la petite lumière, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ah, d'accord. Okay. Bon, j'en ai plus entre nous. Tout à fait, voilà. Ça peut être mal interprété. Faites attention à ce que vous dites, quand même, parce que je suis le garant, finalement, de l'émission. C'est vrai. Tu es notre morale. Mais du coup, ouais, si. Bah, ça aussi, on apprend aussi que ça aussi, ça a son importance dans un groupe. Et on apprend, on continue d'apprendre aussi. On a eu la chance de rencontrer des gens qui nous apprennent aussi. On apprend avec ces gens et avec des groupes aussi qui. Donc on s'y fait. Des vrais bons groupes sympas, parce qu'il y en a des pas sympas aussi. Parce que... Oh, il y en a des pas sympas en effet, ouais. Il y en a on va pas les citer. Non. Alors, il y avait... Pardon. Bah, vas-y, balance. Non. Donc Rémi, tu voulais nous proposer d'écouter un groupe, un titre. Alors c'est un groupe que j'ai pas l'habitude de citer pour le coup, donc qui est Green Day. Hein, vous n'avez pas l'habitude de reprendre surtout. Il n'y en a pas un qui a réagi quoi. Enfin, moi j'ai réagi. C'est pas pareil parce que toi voilà. Ouais, mais elle connaît bien Green. Mais vous les gars, vous me connaissez quand même. On quoi, a l'habitude de ton humour alors. Même toi Fabien, enfin merde. Non, donc du coup un titre de Green Day, ouais, donc Welcome to Paradise, c'est un des premiers titres, un des premiers singles donc du groupe. Donc c'est sur l'album Dookie, donc début des années 90, milieu des années 90. C'est l'album un de mes albums préférés du groupe et un album dont je tire beaucoup d'influence aussi. D'accord. Voilà. Eh bien, on va découvrir ça. Yes. C'est parti. Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams I get now, feeling like I am, and I'm never gonna go. Welcome to paradise. Eh bien voilà. Eh ben merci pour ce retour vers le passé. Voilà. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. Moi aussi, ça sent les vacances. Ah, t'es vieille finalement là. Ah ouais, c'est vrai. C'est parce que d'habitude, elle dit toujours « j'étais pas née ». C'est vrai. Ah, 94. Ah, on était née. Ouais. Je suis très jeune. Oui. Très jeune. Était temps. Oui. Donc, je me tourne vers Arthur. Graou. Puisque maintenant, c'est ton choix. Oui, mon choix de musique. Parce que tu n'es pas du tout d'accord avec les choix musicaux des autres collègues, c'est ça, hein? Ah bah, moi, au début, je voulais mettre un truc bien métal. Et toi, tu es plus énervé, si j'ai bien suivi. C'est un peu plus métal dans l'esprit. Ouais, je suis dans, plus dans métal, généralement. Mais il ne faut pas croire, j'adore la musique classique aussi. Hein. Mais ça empêche pas. Je me souviens de ce que tu as dit la dernière fois, que tu étais un peu plus péchu. Ouais, voilà. Mais du coup, je me suis retenu et j'ai sorti plus un... Je me suis retenu. Je me suis retenu sur le coup, niveau musique, et j'ai pris un morceau de Queen of the Stone Age. Par rapport à mon mentor de la guitare qui m'a fait découvrir l'instrument et qui va franchement m'a éduqué musicalement, m'a montré des groupes, System of a Down, Nirvana, des choses comme ça. Ah, tu parles de ton prof de musique ? Arrête, tu me flattes. Ouais. c'est pas Rémi, c'est Mix, il nous écoute. Et non, il m'a fait découvrir aussi Queen of the Stone Age, et j'aime bien parce que c'était une musique qui est quand même péchue, qui est à la mix entre ce rock californien et le métal. C'est pas entre les deux, et moi j'aime beaucoup et j'aime bien essayer de rendre un peu ce genre-là aussi dans la musique qu'on joue tous ensemble. Oui, c'est un bon choix, moi je valide ton choix. Je validais le précédent, hein, d'ailleurs. Ah bah voilà. Et de toute façon, si on validait pas, on aurait dit changer de titre. Hein, parce d'ailleurs, comme on, ça on, d'ailleurs, ici, on l'a dit. Rappelle-toi. J'ai le droit d'être désagréable ou pas ? Oui, vas-y. Je les ai vus à Lyon, moi, les Queen of the Stone Age. Oh, là, je suis jaloux là. Pire souvenir de concert. Ah bon ? Ah bah là, faut que tu racontes. C'était bien fait, mais je me suis ennuyé à mourir. Voilà. Ah, c'était carré américain. C'était froid, c'était pas voilà. Alors là, le Tony Garnier ne favorise pas non plus. Ah oui. Ah mais c'est une salle de concert. Ouais ouais. Voilà. Mais bon après c'est. Je pense c'est que le style veut un peu ça aussi. J'ai fait des bons concerts quand même à la Tony Garnier. Bah. Rammstein, les Cowboys Fringants, tu vois. Le son n'est pas toujours au top. Metallica c'était ouais moyen. Bah, les Red Hot c'était pas très bon, par exemple. Le son n'était pas bon. Faut qu'il y ait un bon ingé son. Faut pas jouer trop fort surtout. C'est pour ça que Mathieu est pas là. Bon, allez, on est parti. Il travaille d'ailleurs là. Si, avec c'est un bon ingé son. Queen of the Stone Age. Et c'est quel morceau? Go with the Flow. Eh bah, ben c'est parti. Très bon. Hang on. pour l'instant. Ça décoiffe. Ça nettoie les cajamiels. Et encore, il a dit qu'il s'était retenu, hein, parce que sinon, t'aurais passé quoi. Je confirme. Je voulais passer du Amon Amarth, mais il s'est retenu. Bah, ça aurait pu. Mais tu avais le droit. Tu aurais pu. Tu sauras pour la prochaine fois. Très bien. Ouais. Bah, on dit jamais 203, c'est et ça. Et voilà. Ouais, on le dit. Ça se dit. Donc, pour nos amis qui nous écoutent sur le 89.5 de Radio Dio, nous sommes toujours avec les Blue Tomorrow. Coucou. Ça rime. Yes. Beau. T'as quand t'es fort, toi, t'es fort. Ah non, mais je suis fort. Ouais. C'est mon côté poète. Il manie la langue. Oh là là. J'aurais pas dû dire ça. Elle fallait surtout pas dire. Est-ce que t'as vu la main sur les yeux quand elle a dit ça? Elle, oh putain. Sa femme écoute en plus. Pardon. Non non, c'est pas grave. Ah mais attends, vous avez l'esprit tordu, sans déconner. Non, c'est toi qui dis. Non, c'est toi. Non. Ça se dit aussi ça. Ouais, ça se dit dans certaines situations, ouais. Bah, t'es mal la situation là. C'est pour ça que t'as le bras cassé, toi. Bah, je crois que ce soir le deuxième va être cassé. Non, je sais pas. C'est au premier sens du terme. On enchaîne. Oui. On enchaîne, et oui, parce que notre ami Jérém s'impatiente. Il a un titre qu'il a envie de nous faire découvrir. Sur un CD. Groupe, sur CD. Qu'il a emmené. Il parle avec la technique. Il ouvre le CD, il n'y a pas de CD dedans. Donc. Ouais, il a mis la pochette. C'est pas mon album. J'ai essayé de mettre la pochette dans le lecteur CD, peut-être, mais je ne sais pas si ça a marché. Non, mais t'as pas compris, en fait. Le groupe va venir ici. Linkin Park. Oui. Ça va être accepté. Le chanteur aura du mal à venir. Tu sais, on peut y répondre plus, n'importe où. Nouvelle. Tout est possible, on se fout. Une nouvelle, ouais. On se monte de fou. Donc, alors Jérém, explique-nous ton choix. Alors, ce que j'avais choisi, c'était une chanson qui, on va dire, m'a accompagné toute ma jeunesse, on va dire. Bon, je ne sais pas si vieux que ça, mais quand même, on va dire jeunesse. C'était un des premiers groupes que j'ai écouté, de manière groupe que moi j'ai écouté, moi, solo, sans que mes parents m'aient influencé ou autre. Et c'est pas une chanson particulièrement énervée, même si ça aurait pu l'être. C'est une chanson beaucoup plus posée, notamment pour les débuts de Linkin Park. Qu'est-ce que vous faites comme connerie, vous? Ils sont pas cool, hein, franchement. Ouais. Ah non, mais j'ai l'habitude. Je vous retiens. Et du coup, c'est tu es le souffle de l'heure. Ah, mais oui, toujours. Les cheveux sont tombés pour ça. Du coup, tu peux monopoliser l'antenne jusqu'à 23h. Très bon choix, parce que moi, j'aime beaucoup ce titre aussi. Ah, merci. On connaît les vrais. Là, faut te méfier quand il dit ça, en général. Non. Harry, un ami qui vous veut du bien. Enfin, bref, mais du toi coup, aussi, tu veux qu'il se fasse péter le bras? Il est en forme. Non, mais et du coup, la raison d'avoir choisi cette chanson en particulier, c'est qu'il y a une énergie derrière qui n'est pas forcément dans l'énervement ou un cri ou un texte particulièrement acide, on va dire, très agressif ou très très précis. En écoutant, je pense que vous comprendrez, c'est une énergie qui vient et qui t'emporte. Et tu as choisi quel titre? Somewhere I Belong. Laissons parler la musique. Let's go. I wanna fait prendre par le... Eh oui, tu venais discuter et puis voilà, tu t'es fait surprendre, ça fait plaisir. Il t'a pas entendu, de toute façon. Ah oui, si tu mets pas le casque, tu peux pas m'entendre. Sauf si tu sais lire sur mes lèvres. Je sais tout faire. Il sait tout faire. Là, c'est quand même magnifique parce que le morceau... Je ne ferai pas de blague. Il n'ose plus parler maintenant. C'est bizarre ici. C'est toi qui parles. Ah oui, c'est vrai. Attends, excuse-moi. Tout à fait. Mais on peut parler de votre actualité encore parce que... La plus grosse date à venir, c'est quoi alors ? Sans vexer les autres, hein, mais... On n'a pas vraiment de... Ouais, c'est... Ouais, l'hôtel de ville. Mauvaise situation. En fait, Vous jouez pas avec les Yellow Shadow à un moment ? Le 8 novembre, ouais, donc sera avec du coup donc les Yellow Shadow mais Valley à nouveau, au triple, à nouveau. Donc le 8 novembre. Eh ouais. Ouais, mais novembre, c'est une autre saison. Hein. Ah oui. Exact. Donc du coup, voilà, on y sera à nouveau et un vrai plaisir d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on s'est vraiment amusé avec eux. Ils sont super top. Au PAX, ouais. Musicalement comme humainement, ils sont top. C'est vraiment, ils sont humbles, ils sont talentueux, donc vous avez reçu d'ailleurs. Eh oui, on les avait reçus. Ils sont adorables, tout simplement aussi. Ouais. Que tu avais accompagné. D'ailleurs, on l'envoie une bouteille. Que j'avais accompagné, sous le nom de Cyril. Faut passer incognito. Ah non, c'est normal, sinon, les gens vont dire qu'on fait du favoritisme et tout. Non. Tout à fait. On peut pas se permettre. Donc, et puis cet été, des vacances ou pas de vacances alors ? Alors, une date, le 27 juillet, donc on sera à Solémieux. On a été retenu pour un tremplin à Solémieux. Donc le 27 juillet et après en août, par contre, voilà, c'est le mois qu'on se garde pour... C'est le break. C'est le break, voilà, c'est le break d'année. Et puis on part en vacances aussi. Et on reprend dès septembre après, donc deux concerts en septembre et au Richelieu à Saint-Étienne le 13. Ah, c'est cool ça, j'aime bien, oui, il est bien ce bar. C'est super amusant, on est passé déjà une fois et c'était une super ambiance, c'est une autre ambiance. Mm-hmm. Ouais, c'est festif. Mais c'est génial, ouais. C'est bien de faire des scènes... On alterne, voilà, ouais, d'essayer d'alterner, là qu'on peut, là, on a la chance de pouvoir justement, c'est l'hôtel de ville, on a fait le PAX. C'est cool et c'est vraiment des super scènes. Quoi. Donc hôtel de ville, scène principale. Alors pour moi non en fait, vraiment toutes les dates qu'on fait c'est une expérience. Non mais quand différente. Je dis scène principale de la fête de la musique sur la place d'hôtel de ville, la grande scène. Oui d'accord, ouais, parce qu'il y a plusieurs scènes, mais voilà. C'est pour ça. Et nous on sera à l'hôtel de ville, on sera à l'hôtel de ville, à 22h15 du coup. 22h15. Avec plein d'autres groupes. Ouais, dont Novatom. On sera pas couché nous Harry, c'est bon. Non. Il est ailleurs. Non, parce que je lui ai dit que j'avais fait une petite découverte qu'on avait écoutée, qu'on a reçue à Radio Duo, et il va sûrement nous faire écouter ça. Mais c'est que vous êtes très bavard, donc on est. Oui, on est bavard et. Non, mais c'est très bien. Pas de on est entre potes, quoi. Ah ouais, on est bien. Bon, alors tu nous passes quoi là, Captain Obvious. Oui, on a reçu donc un groupe qui s'appelle Captain Obvious. On a reçu le CD. On n'a pas reçu le groupe. Oui. Le CD. Je me comprenais. Je croyais que je maniais très bien la langue, mais finalement, tu comprends pas. Bah, ça dépend avec qui, visiblement. Peut-être pas avec Harry. Allez, vidéo débat. Bon. Allez. Et tu passes celle que tu veux. Parce que... Tu m'as dit celle que je veux, donc j'ai pris le premier titre qui s'appelle Let It Burn. Et bah, c'est parti. Captain Obvious. Down to the ground, 'cause you're underground. strange. Everything that I tried so hard, I thought about it, and I gotta say, I had it wrong right from the start. That's right. Today is the day it starts right here. Don't got a thing to worry about now. Today is the day it starts right here. Come on, man, and don't you worry now. Everything that I thought that I believed, well, baby, was all so clear to me. But now I know that I was wrong. It's gone, it's gone, gone, gone. It's all right now. Eh bien, nous sommes avec les Blue Tomorrow et la session live, c'est maintenant tout de suite, donc à vos oreilles. Et puis, de toute façon, bah, on va filmer et puis comme ça, on pourra voir ça sur les réseaux sociaux. Je veux juste m'assurer, Rémi, est-ce que tu es allé au shot pour... Et c'est là que je t'ai rencontré. Oh, c'est beau. Mais quelle histoire d'amour. C'est là-bas qu'on s'est revus. Et c'est quand vous voulez, les Blue Tomorrow, yes, sur Radio Gaga. Been a while until I open up my eyes to see through the lines. I've been out of line, away for far too long a time, with nothing to do. And I have to say that you can run away this time, 'cause the choice is mine and I'm doing alright, and I'm coming home tonight. Wow, wow, wow, wow, wow. I'm coming home, I said, wow, wow, wow, wow. I'm coming home, I said, the lights go down, the dead end city where the restless feels like home. Lights go down on the dead end city where the restless feels like home. And I wanna let you know I won't go back. And I wanna let you know I won't go back. This time I won't go back. Things they'll never always walk a perfect line. I see through the lies, 'cause everything of this is more than black and white. There's nothing to do, and I have to say that you can run away this time, 'cause the choice is mine and I'm doing alright, and I'm coming home tonight. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. the dead end city where the restless feels like home. Lights go down on the dead end city where the restless feels like home. And I wanna let you know I won't go back. And I wanna let you know I won't go back. Time I won't go back. Take me home. Wow, wow, wow, wow, wow. Coming home, I said, wow. Said lights go down on the dead end city where the restless feels like home. Lights go down on the dead end city where the restless feels like home. And I wanna let you know I won't go back. And I wanna let you know I won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Won't go back. Wow, merci. Les Blue Tomorrow sur Radio Gaga 89.5 Radio Dio. Vous êtes à Saint-Étienne et nous avons reçu les Blue Tomorrow. Merci les gars, c'était un super moment. Merci de nous avoir invités surtout. Merci à vous, c'était super cool. Merci. Normal. Donc demain, on vous trouve où? Alors demain, du coup, donc le vendredi, 20... non vendredi, vous coup. Jouez pas vendredi demain le vendredi. Non, du coup, demain, non, on joue non. Pas. Non, on joue pas demain, du coup. Donc la prochaine date. C'est vrai que l'émission est très fatigante, hein, et stressante. Ouais, et, voilà. Il faut au moins une semaine. C'est voilà, il faut bien récupérer derrière. Non, donc la prochaine, clair. La prochaine date, du coup, c'est le 20 juin, donc à Andrézieux, Andrézieux-Boutéron, donc au triple. Bon. Et ensuite le 22 à la Fête de la Musique. Bon, et ben bah, super. On sera un des deux, de toute façon, certainement Fête de la Musique. Le 22 juin. Ouais. Possible. Ouais. Possible. Dans oui, les non, toilettes de l'hôtel de ville. Enthousiasme. Non, mais possible, mais parce que regarde, je viens de regarder mon calendrier et je me rends compte que j'ai plein de trucs. Oui, parce qu'elle est ministre, elle possible. Vient d'être appelée là aux affaires. Et... Mais si c'est pas là, ça sera ailleurs. Voilà. Puisque tu as la parole, Cécile, dans 15 jours, nous recevrons. Black Poppers. Black Poppers. Ouais. Je n'ai pas eu l'occasion de voir. Ah. Mon grand regret. Justement, ce sera l'occasion de faire connaissance et de et savoir. Que j'ai écouté et que je trouve intéressant. D'accord. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, il va être temps de nous quitter. Alors, j'ai quand même un titre en réserve. Je vous ai fait une petite surprise puisqu'il restait un peu de temps. Bien sûr. Donc, je me suis laissé mon libre arbitre. J'ai pas encore choisi de titre pour vous ce soir. Donc, ah oui. C'est vrai. Bon, mais bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir, les Blue Tomorrow. À bientôt. Merci à vous. Et merci encore. Bonne et puis, chance pour la suite. Et puis merci à Fabien qui est venu. Du coup, et qui surtout, on vous souhaite une longue route. Mais une belle route. Et ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. À toi, Harry. Bonsoir à tous. Ciao. Ciao. I feel like I was a loser. I had a chip on my shoulder then, in a low place, wishing I was anywhere else but there, on a California highway. I was broke but I always had time to spare. Last night. Could have waited to go a couple times around the sun. Now I wish that I could take it back, when the only thing we cared about was nothing. And I'm not the only one. Not the only one. Didn't lead to